Très belle soirée au complexe sportif du secteur de Dolbeau vendredi soir, alors qu'il y avait 1160 spectateurs qui étaient réunis au complexe sportif pour assister au match à concours entre les Saguenay-Chicoutimi et les Remparts de Québec. Et la troupe de Philippe Boucher, par contre, a gâché la fête au complexe sportif en défaisant les Sags 4-3. Pour les Sags, Olivier Galipo, Samuel Houde et Alex-Paulvin Gaboury ont marqué les buts. Jérémy Fortin de Dolbeau-Missassini a été en uniforme et il a quand même très très bien fait, ce qui a fait en sorte qu'il s'est taillé une place dans l'équipe. Ça a été confirmé samedi matin. Par contre, Mekissim Awashish de Mastuyach et Charles Tremblay ont été retournés avec les élites de Jonquière et où ils pourraient jouer un rôle de premier plan avec la formation de Steve Thériault. Transaction mineure chez les Saguenay de Chicoutimi, les Saguenay qui ont obtenu l'attaquant Vincent Milo-Ouellet, parce qu'il est un indigo de 5 pieds 10 pouces et 185 livres, qui a connu quand même une année difficile l'an passé, en marquant 7 buts et amassé 9 passes en 40 matchs. En plus de Milo, les Sags obtiennent un choix au repêchage, un 6e choix en 2019. Les Sags ont cédé un choix de 4e ronde lors de cette même transaction. En fait, cette semaine s'est déroulée à la 8e et dernière tranche du circuit régional de vélo de montagne au centre norvégien de Jonquière. Dans la catégorie atome 9 à 10 ans, Zach Dubois a terminé au 2e rang. Dans la classe expert 19-34 ans, Anthony Bergeron de Chibougamau a terminé en 2e place. Et dans la catégorie maître 30-39 ans, Simon Tremblay de Chibougamau a enlevé la 2e place. Maître 50-59 ans, Alain Aubé de Chibougamau a été le meilleur dans sa catégorie. En fait, ça se déroulait un tournoi match-play où les 32 meilleurs joueurs du Québec étaient en action en Beauce. Et Pierre-Alexandre Bédard a terminé en 2e position lors de ce tournoi. Puisqu'il est question de golf, la grande finale de la Coupe des champions au club de golf de Chibougamau se déroule en fin de semaine. Dans la classe 1, Marc-Olivier Bouget était le meilleur avec un pointage de 73. Dans la classe 2B, Dave Lachance a été le meilleur avec 76. Et dans le B, Normand Baudry a été le meilleur avec un pointage de 84. Et c'était le marathon en fin de semaine des Deux-Rives. On sait qu'il y a eu une triste histoire qui s'est terminée au marathon à 2 km de l'arrivée. Un marathonien de Saint-Augustin de Desmaures a perdu la vie, un marathonien de 30 ans. Mais il y avait quand même deux marathoniens de Dolbeau-Missassini qui étaient en action. Dans la catégorie maître homme 44e rang, à noter que François Fournier de Dolbeau-Missassini a enlevé le 683e rang et Nathalie Paré dans la catégorie femme 40-44 ans a terminé au 951e rang. Dans le cas de Nathalie Paré, elle a terminé 261e chez les filles et dans le cas de Fournier, il a pris le 535e rang chez les hommes. Le sport local et régional, à DanRadioSport.com. On s'en occupe.